إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Chers frères, chers sœurs, nous continuons par l'aide d'Allah cette série de leçons sur l'itqan de l'imam Suyuti, un livre qui traite des sciences du Coran. Nous vous avons donné un aperçu sur les sciences relatives au tanzil, la descente du Coran, des sciences relatives au tartil, agencement local, l'agencement vocal et textuel, structurel du Coran, et les sciences relatives au tadwin du Coran, à la recension du Coran. Tanzil, nous avons parlé des modalités de la descente du Coran. Nous avons parlé des circonstances de la descente du Coran. Révélation descendue en une seule fois, révélation descendue en partie, etc. Les premières et les dernières révélations. Nous avons parlé des causes de la descente des révélations. Et concernant les sciences relatives au tartil, nous avons parlé de l'agencement du Coran, de la division du Coran en sourates et en versets. Et nous avons parlé aussi de l'agencement vocal, l'élocution, à savoir la psalmodie du Coran, les 10 récitants, les variantes de lecture, les critères d'acceptation d'une lecture, leur authenticité, etc. Nous avons parlé de ça, nous avons parlé de makharij al-huruf, les ondes d'articulation des lettres, les fondements spécifiques des lectures. Ça, c'est les sciences concernant les sciences relatives au tartil. Il y a la lecture et il y a l'agencement, à savoir comment c'est agencé, comment les versets ont été classés selon l'ordre qu'on connaît aujourd'hui. Bien sûr, par révélation divine. Et nous avons parlé, nous vous avons donné un petit aperçu sur les liens de correspondance entre les versets et les sourates. Bon, ça concernant les sciences relatives au tartil. Puis nous avons parlé des sciences relatives au tadwil. La recension du Coran à l'époque de comment déjà c'est fait la révélation, comment on a écrit la révélation à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les supports dans lesquels on a consigné cette révélation, et puis la recension du Coran à l'époque de d'Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, puis la recension du Coran à l'époque de Uthman. Nous y avons ajouté les noms des sourates, nous avons donné l'étymologie du mot sourate et du nom ayah, verset. Bon, nous avons parlé de ça. Toutes ces sciences-là constituent les moyens. Ilm al-wasa'il. Ce que nous allons traiter, inshallah, maintenant, ce sont les sciences relatives aux masa'il. Là, on touche le cœur du ulum al-Qur'an, la quintessence, là, on touche l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est l'interprétation, le ta'wil. Nous allons commencer aujourd'hui, inshallah, par les sciences relatives au ta'wil du Coran, au tafsir, à la méditation. C'est le but, l'objectif de toutes ces sciences-là que je vous ai citées, c'est ça. C'est la méditation, c'est la compréhension du texte coranique. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Voici un livre que nous t'avons révélé, un support de bénédiction, afin qu'ils en méditent les versets. Et que ceux qui sont doués d'intelligence se s'en rappelle. Ou en face un dhikr, wa liyatadhakkara ulul albab. Afin qu'ils en méditent يدبر آياته. Là, on a deux objectifs sublimes dans ce verset de Sourate Sad. On a deux objectifs sublimes. Le premier, c'est la compréhension. Comprendre le sens, le fahm. C'est ça le tadabbur. La méditation. Vous savez, dans son emploi en langue arabe, on dit qu'un tel tatabba'a dawabir ash-shay, c'est-à-dire qu'un tel a suivi les dawabir de l'affaire. Il a considéré les fins de l'affaire, les aboutissements de l'affaire, les effets qu'il atteindront s'il entreprend cette affaire-là. Hein? On dit dobor salat, ça veut dire la fin de la prière. Hein? Ça, vous pouvez le trouver dans les lexiques tels que l'Isan l'Arabe, Qamus Mouhid, vous pouvez trouver cette définition-là. C'est ça, une méditation. Tadabbur, dawabir, regarder les finalités. Donc ça, c'est le premier objectif. Tadabbur, la méditation. Il faut essayer de comprendre ce qu'on lit, ce qu'on récite. Deuxième objectif, et que ceux qui sont doués d'intelligence en fassent un dhikr. En vérité, enfin, traduire « wa liyatadhakkara » par, comme on le voit dans certaines traductions, « se le remettre en mémoire » ou « s'en rappelle », c'est une traduction qui est réductrice. Hein? Le « tadhakkur » ici, ce n'est pas seulement se remettre en mémoire la chose, mais s'en imprégner. Le cœur, l'âme et l'être doivent s'imprégner du sens des versets. Il faut que ces significations se gravent dans l'âme de l'homme. Hein? Pour qu'on puisse parler de tadhakkur, il faut que vraiment il s'imprègne des versets du Coran. C'est ça le dhikr dans toutes ses dimensions. Sinon, le simple fait de se remémorer un verset du Coran dans l'esprit n'est pas un dhikr complet. Hein? Ce n'est qu'une étape seulement du dhikr. Le dhikr, c'est le réveil. Les dhikr, hein, diddul ghafla. Le dhikr, c'est le réveil. Le réveil de quoi? Le réveil du cœur. Hein? Le dhikr, c'est la vertu qui emplit de foi le fort intérieur de l'homme. La méditation, si vous voulez, est l'élévation de l'esprit, de l'intellect, dans l'échelle de la compréhension. Et le tadhakkur, c'est l'élévation de l'âme dans l'échelle du zikr. Allah subhanahu wa ta'ala, il a blâmé dans le Coran, a blâmé ceux qui n'usent pas de leur intelligence. Il a blâmé ceux qui ne méditent pas ces signes ontologiques, universels, les signes créés en général. Et il a blâmé aussi ceux qui ne méditent pas ces signes révélés, à savoir le Coran et la Sunna. Ceux qui retardent leur esprit, qui mettent des verrous à leur esprit et à leur cœur, les empêchant ainsi à accéder à la compréhension de son livre. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a blâmés. Qala subhanahu, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Que ne médite-t-il le Coran? Aurait-il les cœurs complètement verrouillés? Sourate Muhammad. Les cœurs verrouillés. Le verrou du cœur, c'est son indifférence, son orgueil, hein? Son détournement, son reniement, son arrogance, son ignorance, le fait qu'il ignore les clés de la méditation, hein? Par l'apprentissage et en demandant aux savants. Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé ces gens-là. Il a dit aussi dans un autre verset, wa minhum ummiyun la ya'lamun al-kitaba illa amani wa inhum illa yadhunnun. Il y a parmi eux des illettrés ummiyun qui ne connaissent pas grand-chose du livre avec grand L, le livre saint, le livre révélé, qui ne connaissent pas grand-chose du livre si ce n'est la lecture. Et se borne à conjecturer. Ça, c'est dans Sourate Al-Baqarah, au début de Sourate Al-Baqarah. Les premiers versets. Hein. Parmi les significations de Amani, وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي. Parmi les significations de Amani, il y a le Qira'a. La récitation, la lecture. Bon, le premier sens qui vient à l'esprit, c'est l'espoir. Quand on entend amani, ça nous renvoie directement à l'espoir, à tamani, aux espoirs, aux vains espoirs, aux illusions. Et parmi ces significations aussi, c'est le mensonge. Les alamoun al-kitaba illa amani illa akazib. Ils ne connaissent pas grand-chose du livre si ce n'est des mensonges. Ou il y a une autre signification des histoires, ahadith. Ils ne connaissent que des histoires. Mais dans la plupart des livres du tafsir, on trouve parmi les significations du terme amani la récitation. Et c'est ce sens-là qui est retenu par Ibn Juzzi al-Gharnati. Ibn Juzzi, c'est un exégète de Grenade. Ça, c'est à l'époque de l'Espagne musulmane. Ibn Atiyya al-Andalusi, qui est aussi un des grands exégètes de l'Espagne musulmane. J'ai fait exprès de commencer par ces deux exégètes de l'Espagne musulmane, parce que c'est dommage que nous vivons dans l'Occident islamique et nous ne connaissons rien sur les savants de nos pays, de la région où nous vivons. C'est même honteux. Notre culture, notre patrimoine, nous l'ignorons. Il y a même une certaine ingratitude envers nos savants. Alors que l'Espagne musulmane, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie a donné de grands savants, de grands, des maîtres dans l'exégèse. Vous n'avez qu'à lire dans Fath al-Bari d'Ibn Hajar, la majorité des chiouchs où il a pris ses interprétations et tout, c'était des savants maghrébins. Ibn Tine, le Qadi Iyad et d'autres. Donc j'ai dit que que cette explication, que ce sens-là, à savoir la récitation, il était retenu par bon nombre d'exégètes. Parmi les derniers, Ibn Nasr al-Sa'di, qui est le cheikh de l'Uthaymin, et Mohamed Amin al-Shanqiti, le Mauritanien, le géant de l'exégèse, qui a retenu ce sens-là. Amani, lecture. Ils ne connaissent que la lecture, lecture superficielle. Amani, c'est comme dans l'autre verset de Sourate Al-Hajj où Allah subhanahu wa ta'ala dit: Wa ma arsalna min qablika min rasulin wa la nabiyyin illa idha tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyatihi. Nous n'avons pas envoyé d'envoyé ou de prophète sans que Satan ne projette ses suggestions insidieuses dans sa récitation. Et là, Amani, c'est sa récitation. Amani. في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. الله سبحانه وتعالى abroge les suggestions de Satan puis rend péremptoires les versets qu'il révèle. Comme a dit Allah سبحانه وتعالى dans sourate Al-Hajj. Donc, تمنى ici veut dire تلا قراءة. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. Il a parmi eux des illettrés. Il parle, Allah سبحانه وتعالى parle des fils d'Israël. Des illettrés. Bien sûr, Omiyon dans ce verset-là a un sens péjoratif, des illettrés, des ignorants. Il ne faut pas le confondre avec Ummi attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sourate Al-A'raf, hein, alladhina yattabi'una ar-rasul an-nabiy al-ummi. Ça, c'est Ummi que je préfère traduire par non-lettré, c'est-à-dire qu'il a acquis le savoir par voie orale, culture orale. Donc, attention au contexte. Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde contre le fait de suivre la voie de ces gens-là, dont le ilm se limite à la récitation, accompagnée d'espoirs illusoires et de conjectures. Amani. S'arrêter à la récitation et à la mémorisation sans chercher à comprendre les versets n'est pas digne d'un peuple qui revendique son appartenance au livre, et a fortiori d'une communauté qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrit comme étant une communauté médiane, la meilleure des communautés. Umma wasat, khayra ummatin ukhrijat linnas, la meilleure communauté qui ait été sortie aux hommes. Ce n'est pas digne des membres de cette communauté de s'arrêter à la lecture, à la récitation sans aller plus profond dans le sens de ces versets-là. Et c'est dommage, c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Le Qur'an, masha'Allah, il y a beaucoup de récitants du Coran, mais les fuqaha, ils sont très peu nombreux. le tartil, en fin de compte, la récitation, la belle lecture, le tartil, la psalmodie du Coran avec ses règles, ses nuances, le respect des nuances phonétiques, n'a été prescrit que dans cet objectif. Articuler posément et distinctement chaque lettre, chaque mot en respectant sa phonétique. Ça. Pourquoi? C'est afin que le verset soit bien clair et afin de sentir la percutance et la vibration des mots pour prédisposer le cœur à la méditation. Comme a dit Allah dans Sourate Al-Muzzammil, ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. Psalmodie avec soin le Coran, en articulant distinctement les mots et les lettres. Nous allons bientôt te transmettre des paroles thaqil. Thaqila, thaqila, qawlan thaqila, thaqila. Parmi ces significations, précieux. Des paroles précieuses. Comme a dit le cheikh Saadi, nous allons te révéler ce Coran dont les idées sont sublimes. Azim. En d'autres termes, un trésor. Donc précieux, thaqil. On dit sur l'or, c'est thaqal. L'or, c'est quelque chose de précieux, on la qualifie de thaqal. Et aussi, les thaqalain, les djinns et les hommes. Thaqalan. Donc pourquoi ils ont été qualifiés de thaqalan? Thaqal, littéralement, c'est lourd. Ça veut dire qu'ils ont du poids. C'est des assujettis qu'Allah subhanahu wa ta'ala a privilégiés sur ces autres créatures. Donc, qawlan thaqila, c'est une parole de grande valeur. Précieuse. En d'autres termes, un trésor. Un trésor. Donc le tartil, ça me sert à quoi? De clé pour ouvrir ce trésor-là. Pour ouvrir ce trésor-là. Donc, Allah dit au professeur sallam, fais le tartil, pourquoi? Je vais te révéler des paroles précieuses. Donc, le tartil te prédispose à la compréhension et à l'ouverture de ce trésor-là. C'est la clé du trésor. La majorité des gens s'arrêtent à la récitation, malheureusement. La noblesse de la science, de la méditation, ou de l'interprétation ta'wil, ou du tafsir, on expliquera, inch'Allah, ces mots-là, relève de la noblesse de son objet, de son objectif, et aussi de son utilité. À quel point l'assujetti a besoin de cette science-là. D'accord? Une science, comment l'évaluer? C'est en fonction de ses objectifs ou de l'objet qu'il traite et de son utilité, n'est-ce pas? L'objet de ce ilm, quel est le thème? Quel thème traite-t-il? Cette science-là du ta'wil. L'objet, c'est le Coran, la parole d'Allah, qui est un de ses attributs éternels, la parole d'Allah qui est porteuse de la vérité et qui a été révélée pour établir la révélation, pour établir la vérité. Porteuse de la vérité et son objectif c'est établir la vérité. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Allah dans sourate Isra, c'est à la fin de la sourate Isra. Nous l'avons fait descendre pour établir la vérité et il est descendu en étant lui-même porteur de la vérité. Je traduis d'après l'une des explications de ce verset-là. Son objet, c'est le Coran qui comporte une part de la science d'Allah. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. Mais c'est Allah lui-même qui témoigne de ce qu'il a fait descendre sur toi. Il l'a fait descendre en étant porteur de son ilm, de son science. Ce Coran-là fait partie du ilm d'Allah, de la science d'Allah. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate, ce verset-là se trouve dans sourate Nisa. Donc l'objet du tafsir ou du ta'wil ou de la méditation, c'est la parole d'Allah. D'un point de vue particulier, du point de vue de son sens. Qui dit sens, quelque chose de précieux, sens, la compréhension. Donc, le sens désigne ce qu'Allah veut. subhanahu wa ta'ala. La phonétique, l'articulation, ça c'est une autre science qui ne concerne pas la science de la méditation ou du tafsir, comme on l'a vu précédemment. Bon, nous avons dit qu'il relève de la noblesse de cette science, la noblesse de son objectif. Nous avons parlé de l'objet, le Coran. Son objectif c'est quoi? L'objectif de la méditation, c'est d'abord la compréhension de ce qu'Allah veut que tu fasses. Muradullahi bika ya akhi. La compréhension de ce qu'Allah veut que tu fasses, cher frère, chère sœur. Hein? Le Coran, il t'adressait à qui? À toi. Allah veut que tu fasses ceci, et que tu évites ceci. Que tu crois en ceci. Hein? La compréhension de ce qu'Allah veut de toi est une étape de la voie d'accès à lui, subhanahu wa ta'ala. Comme objectif aussi, ça c'est le sublime objectif. Tu comprennes ce qu'Allah veut de toi. Masha'Allah, d'ailleurs, c'est fondamental. Sinon, tu ne peux pas avancer sur la voie d'Allah. Tu risques de te perdre. La compréhension, c'est la base. Comme autre objectif, c'est que tu sondes quelques secrets de ses paroles et que tu goûtes son éloquence, une compréhension mêlée au goût de l'esthétique coranique. Tu goûtes la parole d'Allah. Ça élève la foi de la personne. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit wa inna lakum fil an'ami la'ibra nusqikum mimma fi butunihi min bayni farsin wa damin labanan khalisan sa'igan lish-sharibin. Assurément, il réside dans les bêtes de troupeau une leçon pour vous de leurs entrailles à travers le chim et le sang. Nous vous abreuvons d'un lait pur et délectable. Dans Sourate An-Nahl. À première vue, tu comprends que Allah nous donne du lait à partir des bêtes. Bon, c'est extraordinaire, c'est un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne du lait à partir des bêtes et nous abreuve. Ça, c'est un bienfait d'Allah. Mais quand on médite, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit que dans ça, il y a une leçon. Assurément, il réside dans les bêtes de troupeaux, une leçon pour vous. Quand on médite profondément, là, une autre vraie leçon, c'est que, qu'au milieu des choses mauvaises, sortent de bonnes choses. Le chim et le son sont des choses, bon, que l'homme répugne normalement. Que l'homme répugne. Mais de ces choses répugnantes, qui paraissent répugnantes, sort du lait pur et délectable. C'est-à-dire d'un milieu mauvais, milieu de perversité, sortent des réformateurs et des hommes pieux. Ça, c'est une autre leçon qu'on peut tirer de ces versets. On dit, subhanallah, j'ai médité, j'ai fait un peu d'effort. Voilà le fruit. Et je goûte la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Zawqu asrar al-kitab. Faut goûter les secrets. Faut faire l'effort de comprendre. Allah fait descendre le plus beau des récits. Allah unazzala ahsan al-hadith. Et il a dit aussi, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité. Il a atteint le tamam, qui est plus que le kamal. Comme autre objectif, c'est se rendre compte à un certain niveau de l'inimitabilité du Coran. C'est ce qu'on appelle ijaz. Se rendre compte de la précédence, ou une part de la précédence du Coran. Quand tu passes par le verset où Allah subhanahu wa ta'ala défie, ou les versets où Allah défie les négateurs, tu ressens ce défi, tu le perçois, tu te rends compte de la rigueur, de la force de ce défi-là. Et tu perçois de la véridicité, de l'authenticité dans ce défi-là. Tout cela, bien sûr, renforce la foi et pousse à se conformer aux prescriptions du Coran. Nous avons dit que la noblesse de la science de la méditation s'évalue en fonction de son utilité aussi, c'est-à-dire du besoin de la sujeté de cette science. Or, chercher à comprendre ce qu'Allah veut te dire, et c'est ce dont tu as besoin le plus que le besoin de la nourriture. L'homme ne vit que pour cela, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. L'homme a été créé pour adorer Allah. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. Or, pour adorer ton Seigneur, tu as besoin de comprendre sa parole, ses prescriptions, et de t'imprégner de ses sens. Donc, la science de la méditation est la plus noble des sciences. Nous allons passer, Inch'Allah, maintenant au champ terminologique du mot tadabbur. On distingue à ce titre trois mots usuels, trois mustalahat, si vous voulez, qu'utilisent les exégètes. Le plus ancien, c'est mustalah en matière de compréhension du livre, et le tadabbur. C'est le terme utilisé par le Coran. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, afalam yadabbaru al-qawl, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyatadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab. C'est ce terme qu'on trouve dans le Coran, tadabbur. Tadabbur, on ne trouve pas fassir ou awwil, on ne trouve pas ça. Mais si on trouve ta'wil, et on trouve dans un seul endroit, on trouve tafsir. Le tadabbur, j'en ai parlé au début de cette leçon, mais je continue, c'est un moyen de compréhension. Le tadabbur, c'est l'utilisation de la réflexion, c'est l'examen des textes à travers la langue pour accéder à ce qu'il y a derrière les mots du Coran. Et qui dit derrière, dit dobur, parce qu'on dit dobur aussi derrière. Dobur qui dérive du nom tadabbur. Je parle de l'étymologie maintenant. Ou en d'autres termes, arriver à comprendre les finalités, les implications du mot. Et les finalités, c'est aussi dawabir, qui dérive du mot tadabbur. Donc, le mot est le point de départ, et le sens est son implication, son aboutissement, sa finalité, son dabir. Le mot, si vous voulez, est le devant, ce qui apparaît extérieurement, et le sens est ce qui est derrière, le dabir. Le mot est le réceptacle et le sens est ce que contient ce réceptacle-là. Le tadabbur permet d'accéder à ce sens, déduire ce sens-là du mot. Ce qui est extraordinaire et qui relève de la finesse de la langue coranique est que lorsque le Coran appelle l'esprit à réfléchir sur les signes créés, sur les signes universels, il emploie le mot « nazar ». Nazar, examen, contemplation. أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ. Dans sourate l'A'raf. Ne regarde-t-il point dans le royaume des cieux et de la terre et tout ce qu'Allah a créé comme chose. يَنْظُرُوا, il a employé le verbe nazara. يَنْظُرُوا, regarde avec les yeux. Et au regard intuitif aussi. Allah n'a pas employé le verbe tadabbaru. Il n'a pas employé le tadabbur. قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ. Dit, regardez ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre, mais ni les signes ni les avertissements ne suffisent à convaincre un peuple mécréant. Dans Sourate Yunus. Il a employé le verbe nazara en ce qui concerne les cieux et la terre, en ce qui concerne les signes créés, les signes universels. Il n'a pas dit méditer, tadabbaru, il a dit regarder, onzoro. Qul siru fil ardi, fanzoro kayfa bada al khalq. Parcourez la terre et considérez, regardez comment la création a commencé. Il a employé le verbe nazara dans ce verset-là qui se trouve dans Sourate l'Ankabout. Donc les signes créés, le terme utilisé est nazar. Les signes révélés, le terme utilisé est tadabbur. Cette distinction, c'est pour montrer que l'un a ses propres conditions et l'autre a ses propres conditions. Ajoutons à cela, le tadabbur est construit sur le schème tafa'ul. Vous savez, les noms, les verbes, ils se construisent sur un paradigme constitué, si vous voulez, de radicaux, de noms qui constituent les bases. Et là, on construit les noms et les verbes sur un paradigme qui est fa'ala. Et donc, tadabbur, il est construit sur le schème tafa'ul, qui recèle la notion de tamahul, ça veut dire la notion de pondération. Donc, pondération, ça veut dire que je prends soin de considérer, de méditer. Et aussi, elle renferme la notion de tadarruj. Méditez avec moi comment ils sont construits ces noms-là. C'est sur le même schéma. Tadabbur, tadarruj, hein? Tamahul, gradation. Dans la méditation, il faut y aller graduellement. Tadarruj, c'est la gradation. S'arrêter sur chaque mot, chaque verbe, prendre soin, prendre le temps de réfléchir sur le sens, regarder les aboutissements dans les significations des versets et leurs conséquences dans l'âme, leurs effets spirituels. Donc ça c'est concernant l'étymologie du mot tadabbur, méditation. Nous allons passer maintenant au deuxième mustalah, au deuxième terme technique employé par les exégètes, à savoir tafsir, tafsir. L'étymologie du mot tafsir. À l'origine, le verbe qui dérive du nom tafsir, c'est le verbe fassara. Fassara, fassara, et non fassara. C'est fassara. Fassara shay, c'est l'action de dévoiler la chose cachée. Le verbe fassara, avec l'accentuation de la lettre sin, est un intensif. Le sin est un intensif, ça veut dire, il signifie de dévoiler clairement la chose cachée. C'est le verbe approprié concernant le Coran, c'est-à-dire le but, se mettre clairement en évidence les significations du Coran. Certains lexicologues ont dit que le tafsir dérive du nom tafsira. Tafsira, c'est quoi? Tafsira, c'est tout ce qui permet au médecin de diagnostiquer une maladie. Les appareils, etc., les techniques qui lui permettent de bien diagnostiquer une maladie comme le thermomètre ou autre chose. Ismun lima ya'arifu bihi at-tabib al-marad. L'imam Suyuti, pour vous repérer, il parle de l'étymologie du tafsir dans le 77e chapitre de l'Itqan. An-naw' as-sabi' was-sab'un fi ma'rifati tafsirihi wa ta'wilihi wa bayan sharafihi wal hajati. Il est chapitre 77 sur la connaissance du tafsir et du ta'wil et l'éminence et l'utilité de cette science qu'est le tafsir, qu'est l'exégèse. Le nom tafsir se trouve dans un seul verset, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est le verset suivant: وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. Ça c'est dans Surat al-Furqan. Et puis il ne te propose pas le moindre exemple, mathal, sans que nous t'en fournissions la vraie réponse et l'explication la plus claire. Wa ahsana tafsira, traduit ici par l'explication la plus claire. Donc tafsir, c'est bayan, c'est l'explication explicite. Certains lexicologues disent que fassara a le sens de safara. C'est-à-dire les mêmes lettres, sauf qu'il y a permutation à la place du. Nous avons à la place du fa, il y a le sin. Fa sara, c'est notre matière, c'est notre mot. Et là, il dit, certains lexicologues ont dit qu'il a le sens de safara. Ça veut dire on a permuté de l'être. Donc safara veut dire dévoiler, montrer au grand jour. On dit mra'atun safir. C'est une femme sans voile. D'accord? Asfara subh, asfara subh. Subh, c'est le matin. C'est l'aube. Asfara subh signifie que l'aube a éclaté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, comme le rapporte Rafi' ibn Khadij, il a dit: Asfiru bis subhi fa innahu a'zamu lil ajr. Il a dit: accomplissez la prière de l'aube au moment où la lueur du crépuscule du jour est très visible, car c'est la récompense, sa récompense est sublime. Ce hadith, il est authentique. Il est apporté par Abu Daoud et Tirmidhi. Asfiru bis-subh. Ce hadith ne signifie pas qu'il faut attendre la clarté du crépuscule, c'est-à-dire peu de temps avant le lever de soleil pour faire la prière, mais il signifie qu'il faut prolonger la prière en récitant de longues sourates jusqu'à l'isfar, jusqu'à ce que la lumière de l'aube soit claire. Parce qu'il y a des hadiths qui prouvent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait la prière du Fajr au premier moment qui lui est assigné. Il faisait la prière du Fajr alors qu'il faisait encore sombre. Tarlis, c'est ce qu'on appelle Tarlis. Kana yusalli subha bi ghalas dans un hadith authentique. Donc, Isfar, c'est ça. Clarté. Donc, Tafsir, c'est l'éclaircissement, c'est l'explication claire du Coran. Passons à l'étymologie du mot Ta'wil. Le troisième mustalah. Alors, Tadabbur, Tafsir, Ta'wil. Ce terme dérive du mot Awl. Awl, il comporte le sens de Awl. Awl, premier. Awl, qui signifie retour vers l'origine. Donc l'origine, Awl, premier, c'est le même sens. Donc l'exégète, qu'est-ce qu'il fait? Il ramène les mots à leur sens, puisque c'est le sens qui est la base. Le mot n'est qu'un réceptacle. L'essentiel, c'est ce qu'il contient, à savoir le sens. Le mufassir, il ramène le sens à sa signification et la phrase à son sens. D'accord? Donc, Awl veut dire retour. On ramène la phrase ou le terme à sa signification. D'accord? Bah, bien sûr, on ne sort pas les mots avant leur signification. Certains lexicologues soutiennent que le ta'wil dérive de ce qu'on appelle al-iyala, qui signifie l'exercice du pouvoir, siyasa, la politique, diriger les gens et les gouverner. Ils disent que l'exégète est appelé mu'awil, je parle toujours de ta'wil et ses différentes formes, ces différentes formes, selon ces différentes structures, ta'wil, awwala, awl, mu'awil, ils disent que l'exégète est appelé mu'awil parce qu'il gère les paroles et les mots selon une politique sage. Il oriente les mots vers leur signification. Donc, son étymologie, le ta'wil provient soit du awl, retour, le fait de ramener la chose, le ramener le mot à sa signification, soit la iyala qui est la gestion, la direction. D'accord? Sur la différence entre le ta'wil et le tafsir, de toute façon, ils sont tous les deux du domaine de l'exégèse, et certains emploient l'un pour désigner l'autre, notamment l'éminent mufassir, l'éminent commentateur, Ibn Jarir Tabari, Sheikh al-Mufassirin. Ils voient qu'ils ont un même sens. Vous lisez le Jami' al-Bayan, le livre de tafsir d'Ibn Jarir Tabari, quand il explique un verset, il dit « Voici le ta'wil de la parole suivante d'Allah ». Puis il explique. Suyuti, il a cité sous ce chapitre, c'est-à-dire le 77e chapitre de l'Itqan, les avis de certains savants sur la différence entre le tafsir et le ta'wil. Il a dit qu'Abu Ubaid, il entend par là Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam, qui est mort au 3e siècle de l'Hégire, vers les 220 de l'Hégire. C'est un savant des Qira'at, linguiste aussi, l'auteur de Fada'il Qur'an, de Nasikh al-Mansour, éminent savant. Et il a dit que Abu Ubaid et d'autres savants considèrent qu'ils ont un même sens. Puis il a dit que certains savants contestent cet avis-là, notamment Ibn Habib al-Nisaburi, c'est un exégète. Il est l'auteur du célèbre livre « Uqala al-Majanin », un livre plein d'anecdotes. Il est mort au début du 5e siècle, les années 400 de l'Hégire. Ça veut dire il y a 10 siècles à peu près, puisque nous sommes au 15e siècle de l'Hégire. Il a dit que, notamment Ibn Habib al-Nisaburi, a été sévère dans sa réfutation de cet avis-là. Il refuse qu'on fasse la confusion entre le ta'wil et le tafsir. Et Suyuti, il a cité ensuite l'avis de Raghib al-Asbahani, qui est un exégète, lexicologue, linguiste, qui est mort. Il y a divergence sur la date de sa mort. De toute façon, c'est entre 440 et 470, comme a dit Zahabi, l'imam Zahabi, le grand encyclopédiste. Et il est l'auteur du fameux lexique coranique Al-Mufarradat fi Gharib al-Qur'an. Je cite ce qu'a dit Raghib al-Asbahani parce qu'il me paraît le plus pertinent, Allahu a'lam, à propos du tafsir et du ta'wil. Il dit At-tafsiru a'ammu min at-ta'wil wa akthar isti'malihi fi al-alfaz wa mufradatiha. وأكثر استعمال التأويل في المعاني والجمل وأكثر ما يستعمل في الكتب الإلهية والتفسير يستعمل فيها وفي غيرها. Il a dit que le tafsir est plus général que le ta'wil. Il a dit que le tafsir est surtout employé quand il s'agit de mots et de gloses. Alfaz. Tafsir. وأكثر استعماله في الألفاظ ومفرداتها. Le tafsir, il est surtout employé concernant la signification des mots. Des mots, en peu de mots, le sens de tel mot et de tel mot. Explication du sens du mot, etc. Il a dit aussi à propos de cette différence, وَأَكْثَرُ اسْتِعْمَالِ تَأْوِيلِ فِي الْمَعَانِي وَالْجُمَلِ. Il a dit que le ta'wil est employé surtout concernant la phrase et la signification d'un passage. Alors, le tafsir, il a dit qu'il est surtout employé quand il s'agit d'un mot, le sens d'un mot, en quelques mots, le sens. Tel mot signifie ceci, tafsir de tel terme, tel tafsir de taqwa, tafsir de l'iman, tafsir, etc. Et le ta'wil est employé surtout concernant toute la phrase et la signification d'un passage, soit un verset, soit plusieurs versets. Il a dit « Wa aktharu ma yusta'malu fil kutubi d-diniya ». C'est-à-dire le ta'wil. Il est le plus souvent employé dans les livres de théologie. « Wa tafsir yusta'malu fiha wa fi ghayriha ». Le tafsir est employé dans les livres de théologie et d'autres livres ou textes. Donc le ta'wil, il traite des textes de théologie. Son équivalent en français, c'est l'herméneutique ou l'exégèse. Ça, ta'wil. Le tafsir concerne aussi bien les textes sacrés, théologiques, que les textes de littérature ou de poésie. On dit « donne-moi le tafsir de ce poème donne-moi le ta'wil », mais on ne dit pas « donne-moi le ta'wil de ce poème ». De toute façon, ils ont un point commun, c'est l'explication. « Donne-moi l'explication de... » Mais on emploie le tafsir concernant, par exemple, des textes qui sont aussi bien théologiques que des textes qui ne le sont pas, contrairement au ta'wil. Certains disent qu'ils se distinguent l'un de l'autre par la méthodologie. Il y a une différence de manhaj, méthodologie, entre les deux. Lorsque l'exégète fait passer le texte, la phrase, de sa signification prépondérante à une signification non prépondérante en raison d'une preuve qui lui aurait lié, on parle de ta'wil. Le ta'wil, si vous voulez, ça a le sens proche de l'interprétation. De l'interprétation. D'accord ? Et bon, Suyuti, il a cité... Mais concernant le tafsir, c'est quand on veut donner une explication claire, on parle de tafsir. Ça vient de fassara qui veut dire éclaircir et dévoiler. Suyuti, il a cité d'autres avis sous ce chapitre-là. Bon, si vous voulez un petit aperçu du ta'wil dans le Coran, quel est le sens du ta'wil dans le Coran, le ta'wil se trouve dans le mot ta'wil se trouve dans le verset de Sourate Al-Imran. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre qui contient des versets péremptoires constituant la mère du livre et d'autres qui sont équivoques, mutashabihat. Quant à ceux qui ont une déviation dans le cœur, ils suivent ce qui est équivoque, etc. Le verset où c'est cité, oui, ça on va en parler, Inch'Allah, quand on abordera le sujet du muhkam et du mutashabih. Le ta'wil, il a les significations suivantes dans le Coran. Il a le sens du tafsir. Il a le sens de tafsir. C'est ce que la parole vise à faire comprendre. Il a le sens de l'explication claire. Les plus prédécesseurs parmi les compagnons et les tabi'in l'ont employé le mot ta'wil pour désigner l'explication et le commentaire. Ibn Jarir al-Tabari, comme j'ai dit tout à l'heure, il utilise ce sens-là. Et Mujahid aussi, l'élève d'Ibn Abbas. Ils disent quel est le ta'wil de ce verset-là, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a invoqué Allah en faveur d'Ibn Abbas. Il a dit « Allahumma faqihu fid din wa allimhu ta'wil ». Mon Dieu, rend-le compétent en matière de compréhension de la religion et enseigne-lui le ta'wil. Ça veut dire l'exégèse, l'explication. Là, d'accord ? Ça, c'est le sens du ta'wil dans le Coran. Il veut dire tafsir, il veut dire explication. Le ta'wil aussi, il a pour sens l'interprétation dans les faits, c'est-à-dire dans la réalité, la concrétisation de la chose, la réalité de ce à quoi réfère tel verset et tel hadith. Ça, c'est ta'wil du verset. C'est-à-dire la vérité vers laquelle aboutit le verset et le texte. Comme dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل dans sourate Al-A'raf. Qu'attend-il sinon son ta'wil? Or le jour où arrivera son ta'wil, ceux qui l'auront négligé auparavant diront, certes négligé, ça veut dire négligé la vérité. Certes, les envoyés de notre Seigneur étaient venus avec la vérité. Y a-t-il aujourd'hui pour nous quelques intercesseurs qui intercéderont en notre faveur, à moins que nous puissions être renvoyés vers le bas, au moins que nous puissions être renvoyés vers le bas monde pour que nous fassions autre chose que ce que nous avions fait auparavant. Donc ils vont regretter, ils vont demander est-ce qu'il y a des intercesseurs en notre faveur ou est-ce que au moins nous pouvons revenir sur terre. فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدَّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلَ. Ils vont regretter ce qu'ils avaient fait. Donc le ta'wil, يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ, c'est-à-dire le jour où il y aura, où il y a la concrétisation dans la réalité de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire les menaces qui se trouvent dans le Coran, les menaces qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélées. La concrétisation, ça s'appelle ta'wil. La concrétisation. Et comme ce qu'a dit Youssef alayhi salam, قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا. Quand à la fin, quand ses parents, son père et sa mère sont venus, qu'il les a fait asseoir sur le trône et que ses frères se sont prosternés devant lui, il dit père, voilà le ta'wil du rêve que j'avais fait jadis, Allah en a fait la réalité. C'est-à-dire la concrétisation. La concrétisation. Le ta'wil, ça veut dire la réalisation et la concrétisation de ce rêve-là. Donc ta'wil, ça c'est ce sens-là qu'il a dans le Coran. Et bon, comme par exemple le hadith de Aïcha, qui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait souvent lors de son rukou et de son sujoud mon Dieu, je te glorifie mon Seigneur en usant de la louange que tu t'es adressé à toi-même et je te demande pardon. Subhanakallah bihamdik astaghfiruka wa atubu ilayk. En disant cela, يتأول القرآن. En disant cela, Aïcha il dit, c'est-à-dire en prononçant ce dua là, en prononçant ce dua, mon Dieu, je te glorifie, mon Seigneur, en disant de la louange, subhanakallah bihamdik, يتأول, c'est-à-dire il fait le ta'wil du Coran. Qu'est-ce que veut dire Aïcha? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Ben, elle veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se conforme à la parole d'Allah. Cette parole, c'est quoi? فسبح بحمد ربك واستغفره. إنه كان تواب. Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé dans Surat al-Nasr, glorifie par la louange ton Seigneur et implore son pardon. Et implore son pardon, il accorde volontiers son repentir. Quand ce verset fut révélé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répété ce verset-là sous forme de dua. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le pardonner. Il dit, je te glorifie. Il dit, je te demande de me pardonner. Donc, yata'awwal le Qur'an, il fait le ta'wil du Qur'an. Ça ne veut pas dire qu'il ait fait une interprétation, mais il réalise l'ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Il l'exécute en faisant cette invocation et en priant. Bon, voilà, ça c'est le sens du ta'wil, le sens du ta'wil dans le Coran. Voilà, je m'arrête ici, inshallah. Je continue ce cours la prochaine fois. Voilà, subhanakallahum bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.